Alors, au revoir, mademoiselle, hein? On regrette bien de devoir déjà vous quitter. Bien sûr ou quoi? Oui, oui, attends. Oh oui, bien sûr, c'est prêt, bon, la moitié trop fort. On n'a pas le temps de faire connaissance que déjà le chef de gare vient vous tirer par l'oreille. Écoute, syndic, si tu voulais un salon pour causer à ces dames, tu aurais dû rester à Lausanne. Oui, oui, oui. À moins que vous ne restiez passer la nuit à Barbedien. Oh, en tout bien tout honneur, ouais, ouais, je vous présenterai à ma femme, vous verrez. Elle a aussi de bons moments. Et puis, on vous ferait visiter l'endroit, avec cet obscurcissement, ce qu'il y a de commode. C'est que ça vous paraîtrait aussi bon qu'une capitale. Est-ce que tu viens ou bien si tu te remaries? Eh bien, en tout cas, si je me remarie, je prendrai pas un garçon de noce qui soit jaloux. Parti. T'es content? Quelle lanterne tu fais? Oh, lanterne, c'est toutes les fois la même histoire. Quand on est allé dans cette petite pinte derrière le grand pont, et que la demoiselle m'a fait un sourire, tu as trouvé le vin mauvais, non? Mais alors, à ce café vers Chaudron, où on nous servait une goyasse du diable, on ne pouvait plus t'arracher. Demi sur demi que c'était. On aurait pu attraper un ulcère, monsieur Sarpichet. Monsieur faisait l'aimable avec la patronne, avec ça qu'on était même pas joli. Ouais, ouais, ouais, en attendant, assez causé. On a déjà un quart d'heure de retard. Ça va recommencer. Vous vous souvenez, Régent, ce matin, cette vie avec son billet. Le train ne venait pas assez vite, on avait du retard, monsieur s'énervait sur le quai. Bon, le train arrive. Monsieur Moncaviste avait oublié d'acheter son billet. Le train à terre, le chef de garde a lâché sa palette, tout ça pour donner un billet à monsieur le caviste, parce que monsieur le caviste est un monsieur pressé. Ça t'arrive jamais d'oublier quelque chose? Oh, que oui. Mais toi, tu es de cette sacrée catégorie des gens toujours pressés. Et sais-tu ce que c'est que des gens toujours pressés? C'est juste le contraire des pétouillons de ta sorte. C'est des gaillards qui se raisonnent un moment pour avoir prétexte à courir ensuite. Voilà, tu dois avoir une rude constitution pour te supporter comme ça depuis bientôt un demi-siècle. Moi, si j'étais comme toi, je sens que je finirais par m'énerver moi-même. Quand je vous entends, monsieur le syndic, je suis frappé d'une ressemblance qu'il y a entre les Vaudois et les Chinois. Pas possible. Et les Chinois seraient-ils devenus peaux rouges? Dans le cas qu'ils fassent ça pour se camoufler... Non, c'est pas autant que je pense. C'était la manière de raisonner. Votre définition des gens pressés, les Chinois... Pas plus. Et si. On raconte qu'un Européen, traversant une ville avec un Chinois, lui dit « Courons pour rattraper ce tram, on gagne 10 minutes. » Le Chinois ne bouge pas. « Vite, que dit l'Européen !» Et qu'est-ce que vous auriez fait de ces 10 minutes gagnées si vous aviez attrapé le tram? Que lui répond placidement le Chinois. La ressemblance s'arrête là, parce que je n'aurais pas été embarrassé pour y répondre. Qu'est-ce que j'en aurais fait? On aurait été boire un verre. Parbleu, 3 décis de Shanghai, ça doit être de bon. C'est pour ça que je vous dis de vous dépêcher, qu'on arrive avant que la Lucie ait fermé la pinte. Eh bien, c'est la première parole sensée que tu dis ce soir, caviste. Profite-en. Ah, ça m'a fait penser vos histoires, dis donc. Les Chinois, mettons-nous ce qu'ils boivent. Ont-ils au moins du vignoble ou bien... Qui boivent? Ben, du thé. Du thé de Chine, pardi. Ouais, du thé, c'est entendu, comme partout. Mais j'entends comme boisson. Mais du thé, c'est leur boisson nationale. Vous ne voulez pas nous faire croire qu'ils ne boivent que ça? Si. Avant, peut-être. Mais maintenant qu'ils sont civilisés, enfin qu'on leur a envoyé des missionnaires et tout. Et pourtant. Si c'est comme ça, m'étonne qu'ils ne sachent pas que faire de leur temps. Quel drôle de peuplade il y a par le monde, quand même. Ah, ça fait que chez eux, les tempérances sont contre le thé. Forcément. Sans ça, contre quoi est-ce qu'il serait, hein? à moins qu'il n'ait pas de tempérance. Oh, alors la réserve, vous ne faudrez pas vous ficher de nous, hein? Les Chinois, ça sait, ne sont pas nés d'avant-hier. C'est quand même pas des sauvages. Ça fait qu'ils ont forcément des tempérants, des ivrognes, des gendarmes, enfin de tout, quoi. Un pays sans tempérants. Mon pauvre Réja, vous serez toujours le même idéaliste. Idéaliste? Tu ne vois pas qu'il est en train de nous acheter, ouais. Ah, n'empêche que vous avez eu une rude idée de nous emmener à Lausanne. On était là à se creuser la tête pour trouver un but de course de cagnotte. Parbleu, et que c'est la plus jolie course qu'on a faite depuis longtemps. Et puis quand c'est bien tenu, hein. Moi, c'est à peine si je me suis senti à briller vers les 3 heures après le dîner. Ah, le troisième kir, j'étais de trop. Oh, j'étais content d'aller à l'air. Et puis, vers les 5 heures, quand on a eu bu ces 2 bouteilles de fardin, tu prends les jolies mains. Oh, non, waouh. C'était plutôt des aigreurs. Ça venait de ce mauvais vin qu'on avait bu droit à vin. Oh, celui-là, alors, ça ne peut pas nous avoir fait du mal, hein. On n'en a rien bu. Un demi. Deux, je crois. Bien sûr, mais si peu que rien est le mauvais, ben, c'est le mauvais. J'ai l'estomac gourmand. Dès que j'y lance une giclette d'un rien trop acide, c'est comme quand on le chatouillerait sous le nez. Il éternue. En tout cas, moi, je suis solide comme un roc, je m'étonne moi-même. Vous aussi, syndic? Moi, ben, j'ai eu des moments. Chez moi, l'estomac ne rebouille jamais, non. Non, c'est plutôt dans la tête que ça donne. Ainsi, à Carvin, je me sens sentimental. Je ferai des déclarations d'amour à un agent de police, faute de mieux, ouais. Et puis je sens que ça défile, et à mi-vin, j'en suis au discours patriotique. Alors ça ne rate jamais. Là. Toujours le même discours, du reste. Ben, toujours le même, parfaitement. Est-ce qu'on change de patrie si souvent que ça, des mauvaises langues? Et alors, à 3/4 vin, là, alors, c'est un mélange des deux. Je voudrais faire des déclarations d'amour à tout le monde, une sorte de discours amoureux. Enfin, vous voyez ça, quoi. Vous devriez vous lancer un jour, ça ferait son petit effet. Ouais, j'ai eu essayé, mais c'est la langue qui ne va plus. Alors, ce que je fais, c'est de faire schmollitz avec tous les gens qui sont autour de moi. Même que quand je suis avec ma femme et que je lui propose qu'on se tutoie, elle me rentre. Alors là, c'est du tout cul. et à plein vin, alors? À plein vin? Ouais. Je n'y suis jamais. Écoutez voir cet hypocrite. Jamais que je vous dis. Il y a des masses de nuances autour des 3/4, ça je veux bien. Mais Razibus, ça n'existe pas. Ben, respect. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut te suivre à la trace, rien qu'à cause de ce que tu nous as dit. Tu étais à Carvin tout le long du dîner. Tu sais là, quand on était servi par la petite rousse, quand tu t'es embrouillé dans des phrases devant la statue à Russonnet, c'était mi-vin bien sonné. Et même 3/4, parce qu'en le quittant, vous avez dit, « Louis, je te salue. » Par Dieu, oui. Il me semblait bien qu'il avait fait schmollitz avec le grand Louis. C'est bien possible. En tout cas, j'étais redescendu au quart dans le train. Ah, ce qu'elle était jolie, cette patiote. Et il y a une affaire, Caviste. Elle ne te répondait pas, toi, hein? Et puis quoi? Te voilà bien avancé. Oh, d'accord. Surtout que ça m'a ramené à zéro. Parce que maintenant, j'ai une soif de tous les diables. Eh bien, on est justement devant la peine. Entends. Allez, si on en chantait une pour faire au village une entrée digne de la cagnotte. De canards déployant leurs ailes. À leur canne fidèle, ils disaient, ils chantaient, quand donc aurons-nous des enfants, quand donc finirons nos tourments, Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu m'aimes. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Dis-moi oui, dis-moi si tu m'aimes. Dis-moi non, dis-moi oui ou non. Et voilà. On est heureux de bien dedans. Et ça picote quand même dehors. On croit qu'il fait doux, mais le fond de l'air est frais. Ça tombe bien, moi qui suis justement en train d'expliquer à mes enfants l'époque glaciaire. Ah, et... c'est pour ça que vous avez traîné dans ces fossiles du musée à Lausanne. Même quand vous êtes à bord, on a vu tout un tas de colliers de cheval suspendus à des crochets. Des colliers qui avaient l'air en os, mais bien conditionnés alors. Nous, on croyait que c'était des colliers de l'époque glaciaire. Et puis, on regardait l'étiquette. C'était des mâchoires de mammouth. Ah, quelle puissante bête ça devait faire, mes amis. Ouais. Mais dites-moi, Réjean, vous qui êtes dans ces affaires, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on s'explique que ces mammouths, ces diplodocus, enfin, toutes ces bestioles géantes, aient disparu de la Terre? Ça est tout de même curieux, ça. Oh, il y a plusieurs théories à ce sujet. On dit que le climat a changé, d'autres assurent que leur grosseur même les rendait incapables de se défendre. C'est assez obscur. Ah oui? Oui. Eh bien, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Voyez-vous ça, notre syndic qui se met à faire le savant. Ça te profite d'aller te promener dans le palais de Rumine. Rien qu'un reniflant, tu comprends tout à mesure. Moi, je me dis que justement, ce qui perd les savants, c'est qu'ils cherchent des explications trop compliquées. Comment les mammouths ont disparu? Eh bien, moi, je vous demande, si la guerre continue encore 2 ans, combien est-ce qu'il restera de bétail en Suisse, hein? De moins en moins, d'accord, mais tout de même, c'est pas plus malin que ça. Nous, il nous en restera quelques-uns de bêtes, parce qu'on est organisés. Le département de l'agriculture s'en tiendra toujours une pincée à Marcelin pour la graine, tandis qu'à l'époque glaciaire, ils n'avaient probablement même pas de département de l'agriculture. Ça fait qu'ils ont eu une guerre. Elle a duré un paire d'années de plus que prévu. Ils ont probablement commencé par avoir des jours sans viande, puis la carte de mammouth, ça s'est raréfié. Le marché noir a fait le reste. Et quand la guerre a eu été finie, ils ont regardé dans les coins, bernique, plus de mammouth de vivant. Tout était consommé, comme on dit dans les livres. Ça fait qu'ils ont bien été obligés de se rabattre sur le menu bétail. Les vaches, les chèvres et autres couilles bêtes, de rien du tout, que jusque-là, ils n'avaient même pas pris garde, tant c'était massolé. Eh bien, voilà une théorie qui demande un examen sérieux. Après tout, hein, ça se défend. Mais j'étais loin de me douter qu'en attendant, vous étiez en train de révolutionner les sciences, monsieur le syndic. Oh, on n'a pas de prétention, hein. On fait ça pour se distraire. Oui. Surtout quand on n'a pas eu de chance. Nous, on s'est dit, en attendant le régent, on va aller dans ce musée de peinture, là, Rumine. Ça doit être bien intéressant. Et alors, c'était fermé? Que non! On avait de la peine à comprendre. C'était plein de belles dames qui courattaient d'un cadre à l'autre, en suivant les explications dans un petit livre. Mais elles ne devaient pas être de trop, les explications. Je vous garantis que non. La première chose qu'on voit, c'est une femme toute nue, peinte en violet. Pas possible. Et comme il dit, sauf qu'elle avait mis des gants. Ouais. Oh, ça devait être quelqu'un de distingué, une princesse, qu'on se dit. À côté, il y avait un dessin où on voyait deux gaillards, un en uniforme, puis l'autre en chemise de nuit, qui se causaient en tenant une visagère. Une visagère? Oui, parfaitement. C'était écrit dessous, un général cause avec la mort. J'en ai encore des frissons. Même qu'il y avait un ciel tout noir, et au milieu du ciel, un œil crevé qui giclait le sang. Oh, je ne comprends plus rien à notre musée, moi. Oh, nous non plus, on n'y comprenait rien. Heureusement qu'on a entendu des gens qui causaient autour de nous, et puis qui nous ont donné l'explication. C'était pas de la peinture, c'était une exposition du carnaval de Bâle. Parfaitement. Ça fait qu'on est parti. On y retournera quand il y aura des vrais tableaux. Ben c'est dommage qu'on soit comme ça, mal tombé. Oh, c'est pour ça qu'on est allé vous rapercher au musée zoologique. mais berné que plus de légende. Mais j'avais fait un saut au département, oui, j'avais un renseignement à demander. Comme on était sur place, hein, je... Est-ce qu'on vous a fait attendre, au moins? Non, pourquoi? Ah, parce que ça me rappelle une jolie histoire qu'on m'avait racontée. Hein? Un vieux ministre qui m'avait ça raconté. Oh, il n'est plus de ce monde. Un homme pétri de malice et puis de bon sens. Un rude pasteur que c'était. Ça fait qu'un jour, il va aussi au département pour être reçu par le conseiller. Il s'assied dans une petite chambre, comme chez le dentiste, avec des journaux sur une table. 5 minutes, 10 minutes, il attend toujours. Et chaque fois un autre lui passait devant le nez. Voilà qu'arrive un petit gaillard de la ville, tout jeune, pantalon rayé, tubette, enfin tout, qui sort une carte de visite et puis qui dit à l'huissier, annoncez s'il vous plaît le consul de Nicaragua. Charrette, ouais. Du beau linge. Que non, ouais. Un petit avocat de par Lausanne qui avait ce titre dans le tas. En tout cas, mon pasteur ne se laisse pas impressionner. Il se lève, va vers l'huissier et lui dit doucement, « Mon ami, annoncez donc d'abord le ministre de Voirin. »« Eh diable, ministre, ça vous a une autre allure que consul. » En tout cas, 2 minutes après, il était reçu et le conseiller riait encore à lui serrer la main. Je crois qu'il serait temps de rentrer. Oh, on a le temps. On refait un demi, enfin, au moins. Ouais, pour se réhabituer, quoi. Quand on a passé tout le jour dehors et qu'on retrouve notre pinte avec notre petit vin, la première gaulée, c'est comme quand on se retrouve chez soi après 2 mois d'école de recrue. On se sent à la maison, mais il faut s'y refaire, se réhabituer aux meubles, quoi. Allez, hein, on refait un demi, hein. Surtout que, hein, c'est rare qu'on rentre de course en aussi bon état. Même trop, nous-mêmes avons nous soupçonné de nous être mal conduits. C'est pas comme cette fois que le Gutte Dufour avait été à Lausanne depuis qu'il avait raté le dernier train. Vous la connaissez pas, quoi? Ma foi, non. Ouais, ouais, dis donc. Il arrive à la gare, là, clopin, clopinant, plus de train. Afin qu'il remonte l'avenue Ruchonnet en pensant aux explications qu'il faudrait donner. Bon. Et puis que se dit, c'est fait, hein? Autant prendre le beau temps pendant qu'il est là. L'inverse sera pour demain. Seulement comme c'était tard, les cafés étaient fermés. Il ne restait plus que ces dancings, là, ces sortes de boîtes avec des nègres qui jouent de la guitare. En fait, tant pis qu'il fait, en temps, hein. C'est que ça lui a plu. 1 heure, 2 heures, 3 heures, mon gaillard te sifflait verre et bouteille par là au travers, tant et si bien qu'il y passe la nuit. Au petit matin, quand on ferme, le voilà qui offre à déjeuner aux filles qui nettoient la salle. Et puis que c'est renfate dans le café qui recommence à s'arroser tant et si bien qu'il sort vers les 10 heures. Droit comme une chala. Raide comme une lessive un matin de jeu. Mais où ça se corse? C'est qu'en sortant, il tombe sur un enterrement. Oui, c'est un quartier où il en passe des masses, là. Hein. Ni une ni deux, il emboîte le pas et départ. À Lausanne, naturellement, qu'on ne connaît pas tout le monde. Il se faufile dans le tas, ni vu ni connu. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans cet enterrement, hein? Attendez. Au bout d'un moment, on le voit un peu inquiet qui regarde de ci, de là. Et brusquement, il lève son chapeau et demande à son voisin. Pardon, monsieur. Est-ce que ça va encore être long, cette polonaise? Vous comprenez? Il y avait tellement pris goût qu'il s'y croyait encore au danseur. Lila, écoute-moi, syndic. On ne veut pas se niaiser ce soir. Mais je te dis quand même mon avis. Je veux bien croire encore c'est le lap, parce qu'on est des vieux amis, mais c'est la toute dernière. Dites-moi, m'est avis qu'on pourrait toujours boire une gaulée à la santé de ce mort. De ce mort? Quel mort entends-tu? Eh ben l'hiver, pardine. Il m'a l'air que ce radeau veut joliment l'enterrer, qu'on va bientôt pouvoir remiser ses camisoles. Et que ça ne serait pas d'orgueil après ces vermines de froid. Mais c'est radou, moi, vous savez. Faut qu'on se mafie aussi. C'est hypocrite comme un mandement de Pâques. Ça vous dit, lâche-moi cette camisole, et puis la camisole loin, crac! Ça vous flanque une pleurésie par derrière. On en a déjà bien vu partir de s'y être fillé trop tôt. Ouais, camisole ou pas, ce radou va quand même rudement bien. Et puis que ce serait joliment le moment de se rattaquer à cette vigne. À force de la laisser dormir, Des fois qu'elle irait ne plus se réveiller, voyez ça. Et c'est pour le coup que les Valais en rigoleraient. Pas une goutte de Vaudois 42, le conseil communal de Riva, obligé de s'éclaircir les idées avec du fendant de Sion. Tous ces Vaudois dans les cafés qu'on verrait se sucer les pouces. Et allez seulement, c'est toujours pas cette année que ces Valais en veulent rire. D'un autre veut déjà bien se dégourdir pour attraper la leur. Et quel promet malheureux! La vendange est déjà écrite à la souche. Tu devrais voir ces bois. On dirait des pieds de chaise envahis. Garantie qu'il faudra pas se tenir les pouces dans la bouche pour s'attailler. Je t'ai aiguisé ce sécateur ce matin, matin. J'ai cru me couper le doigt, rien qu'à le regarder. Ah, comme ça, tu as déjà modé la taille? Parbleu, oui, enfin, ou plutôt non, non. J'ai juste été faire un tour sur le muret de mon charmu des fosses, histoire de voir s'il me reconnaîtrait. Mais pour tailler, Bernic, avec ce radou, tu avais de l'eau à ras les murets. C'était plus une vigne, c'était un réservoir. Et tant plus haut, tant plus mieux, qu'on peut dire cette fois. C'est le moment qu'il en applique de cette charrette d'eau. Oh, je dis pas ça pour le besoin qu'on en a par ici. Mais là où ils n'ont que ça, pas hein? Dire qu'à Lignerolles, ils n'en avaient plus seulement pour coller les timbres, qui devaient faire des lessives dans la neige, et puis qu'ils abreuvaient le bétail avec du lacôte. Oh, les pauvres bêtes, tout de même. Et le lac, l'avez-vous seulement vu ces jours derniers? Ces Genevois étaient joliment en train de nous le vider. Ils étaient même rudement inquiets, la compagnie de navigation, qu'on disait. Ils se préparaient à poser des rails en trouchy et cuilly pour faire passer les bateaux et à mettre des roues au major d'Avelle, oui. Même que le vieux Radler Vanet avait déjà décidé de changer sa carlette de contre-amiral contre un képi de chef de gare. Ah, ces Genevois, toujours les mêmes. Sous prétexte que le lac penche de leur côté et puis que les fabricants d'Atlas, qui ne savent pas le premier mot des affaires, ils disent « lac de Genève », ils seraient bien capables de nous le vider à une goutte près. Enfin, rappelez-vous seulement à 21, à peine si nous en avaient laissé de quoi prendre les deux mains de pied de Noël et de Pâques. Mais que voulez-vous? Ils n'en auront jamais assez pour faire la lumière qu'il faudrait dans cette société des nations. Il paraît qu'il leur en manque encore un rue debout, à ce que me disait un monsieur de Genève qui rôdait justement par là quand j'étais à la ville. Ah tiens, monsieur de Genève, qu'est-ce qu'il venait branler par là? Je remarque qu'il venait espionner nos femmes. Bon, voilà. Ça devait être un peintre, à ce que j'ai cru comprendre. Il s'intéressait quand même bien à la culture. Alors, mon brave qui m'a fait... Ouais, faut croire que c'est ainsi qu'il cause aux vignerons. On dit que vous allez manquer de sulfate. Ça nous fait bien du chagrin. On aimait bien voir ces vignerons tout trempés de bleu de lessive s'amuser à peindre les feuilles avec leurs petites machines. Oh là, monsieur, que j'y ai dit... Pour le sulfate, d'accord, on veut bien manquer un peu. Mais pour le coup d'œil, vous pouvez être tranquille. On a demandé au peintre Auxebourg de venir nous peindre ses charmus avec de la couleur à l'eau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, et que t'as-tu répondu? Eh bien, mon brave qui m'a répondu en tirant son chapeau, respect pour l'artiste. Qu'importe le produit, pourvu qu'on ait la couleur, crois-tu? Ma foi, quand on y pense, c'est bien l'idée de quelques-uns. Comme cette charrette de Bernet des Paco. Tu sais bien le penazze qui se manie. On ne sait jamais si c'est du jus de champignon ou de berclure. Un vin, quoi? À manger le verre pour se sentir au moins quelque chose de doux passer dans le gosier. Eh bien, il réussit quand même régulièrement à vendre sa récolte, rien qu'avec un tout petit stratagème. Hein? Au moment de descendre à la cave, il te fait au client. Faut que je vous avertisse, monsieur, que la cave est un peu froide. Le vin n'y vient que mieux, mais les rhumes viennent vite aussi. Prenez donc une bouchée de ces pastilles Gaba, comme ça vous ne risquerez rien. Le client se laisse faire, n'est-ce pas? Mais avec cette réglisse dans le bec, la piquette à Bernet vous prend le goût, pour le moins, d'un désallé 34 premier choix. Quant aux suites, on n'a jamais su. Les clients ne sont jamais revenus. Et sûrement qu'ils doivent gauger ce commerce dans un coin de cimetière. Ah, le fait est qu'on vit dans un drôle de temps. Et qu'il y en a certains qui n'ont même ni la chose, ni la couleur de la chose. Hein? Comme il est arrivé la semaine dernière à ces deux de Lutry qui s'étaient mis ensemble pour faire boucherie. Tu as dû entendre parler de ça. Ah, puis pour une boucherie, ce serait une boucherie comme on n'en avait jamais eu fait. Des piliers de pinte. Il en reste encore un ou deux, grâce au ciel. Des piliers d'église, il s'en trouve. Mais un caillon, pas le temps qui court. Ça se fait rare comme un banquier maigre. et t'en avais déniché un sur les monts de Chardonne en faisant jouer toutes les protections des notabilités de Lutrien là, et t'avais préparé les choses pour le réceptionner, pauvre âme. T'aurais dit qu'ils allaient bouchoyer le Vaudor. Toutes les femmes en l'air, les manches retroussées, les linges fins tirés de la bassine, le boucher habillé de propre en jolie veste rose, les couteaux polis là au savon rose, le trabe verni comme un canapé de salon, enfin quoi tout. Il ne manquait que le caillon qui se faisait un peu attendre. Ni au train de 6 heures, comme on comptait, ni au train de 7 heures, comme on l'espérait, ni à 8, à 9 encore moins, à 10 heures, rien du tout. Les fesses commençaient joliment alors à moindrir dans leurs culottes à ces deux gaillards de Lutry. D'autant plus que tout le quartier, bien sûr, s'intéressait à cette boucherie, puis avait les yeux appendus à ce trabeutier sans caillon. Les ménagères, que ça embêtait bien de devoir rentrer pour faire le dîner, sans avoir rien vu commencer à finir. Il a passé un avion. Hé, il y en a une qui s'est mise à crier. Voyez voir, il le ramène à l'aéroplane. 11 heures, 11 heures et demie, encore rien. Par le quartier, ça commençait à sentir les dîners qu'on laissait brûler. T'aurais dû voir les deux gaillards. Ils n'osaient plus marcher que sur la fine pointe désertée. Enfin bref, pour finir, il est bienvenu quelqu'un, mais pas le caillon, le facteur. Où il était marqué en français de Fribourg que ma foi, le caillon s'était ravisé entre-temps, qu'il était délicat de la poitrine et qu'il avait pensé qu'il serait mieux chauffé dans la cheminée au préfet de la Veveyse. Ah, c'est rire qu'ils ont pu faire face à Lutry. Mais les gaillards l'ont plutôt mal prise. Ils étaient dans une colère. On a cru un moment qu'ils allaient bouchoyer le facteur. Mais n'empêche que si nous ne voulons pas être bouchoyés nous-mêmes en rentrant, ce serait le moment de prendre le chemin de la maison. On pourra toujours dire qu'avec ces restrictions, les CFF ont retardé le train jusqu'à l'heure de l'obscurcissement, histoire d'économiser la lumière. On pourrait dire tout ce qu'on voudrait, on ne serait quand même jamais cru. Ça fait que le plus simple, c'est de faire comme le régent dit. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, et dans 15 jours, à la même heure. Thank you. neufs sous les papiers. Oh, rien de bien neuf, non. À première vue, les hommes ne paraissent pas en train de se borner. Et voilà qu'ils se mettent à torpiller les baleines. Gratitude noire, quand on pense au service qu'ils avaient rendu à Jonas. Moi qui avais toujours cru que les baleines étaient fortement cuirassées. Faut croire que plus rien n'y fait. Oh, c'était le vieux terme. Le cuirasse n'avait pas été prévu pour les explosifs qu'on a au jour d'aujourd'hui. Oh, le fait est que s'il fallait refaire le monde avec ce qu'on fait maintenant, il y aurait bien des choses à consolider par-ci par-là. Ah, parce qu'il fait mauvais froid. Et puis à voir, il y en a encore bien qui ne désespèrent pas. Regardez les annonces. J'ai jamais vu autant de demandes en mariage que maintenant. Je ne sais pas quelle raclette. Oui, mais le mariage, je ne dis pas. Chacun ses goûts. Mais c'est mariage par les journaux. Je n'ai jamais pu ça comprendre. Oh, moi non plus, ma foi. Ça doit être du drôle de monde. Erreur. Vous dites ça parce que vous êtes de la campagne. Ici, tout le monde se connaît pour les journaux. Mais songez-vous à tous ces gens qui sont en ville et qui n'ont point d'amis, point de relations. Rien. C'est par Dieu vrai. Ça doit être rude, triste. Bon, non, parce que ces mariages au hasard des journaux, ça ne doit rien donner de bien propre. Il y a une domestique au tuyau, tu l'as connu. Le carrefour. Oui, le carrefour. Avec la couche qu'il en avait, on aurait pu dire demi-fou sans se tromper tant que ça. Ce petit rouquet, rouquin un peu simplet. Ouais. Il se croyait, Dieu sait quoi. Il nous racontait par là qu'il avait une oncle, colonel de cavalerie et tout. Il n'avait pas sa tête. Ouais, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il avait mis une annonce dans un journal. Comme de juste, il s'était donné de ses qualités exorbitantes. Il y en avait eu au moins 20 réponses. Ça fait que le voilà tout fier qui exhibe ses réponses à travers le village. Moi qui faisais. Elles sont 20 à vouloir me marier. Ça fait que les copains du village y ont dit. Tu peux leur écrire. Tu leur donneras à toutes rendez-vous pour la même heure. Comme ça tu pourras choisir. Et pour qu'elles te reconnaissent, écris-leur que tu auras une fleur rouge à la boutonnière. Bon, il écrit. Puis se lance un beau dimanche à la gare de Palaisieux. Les jeunes du village n'avaient pas raté le coup d'œil. Avec à l'arrivée du train de Lausanne, on voit des cernes, une flopée, une gaillarde, qu'on aurait dit un congrès enfin, je ne sais pas quoi, mais en tout cas de quelque chose de pas très joli à mort. Oh, ça devait être un rude butin. Je te garantis, il y en avait des violettes, des mauves, des qu'on aurait dit des chenesses, et d'autres qu'en leur mettant le doigt sur le bras, ça aurait enfoncé comme dans un duvet. Tu aurais mis ça dans tes vignes que les moineaux seraient partis d'un coup jusqu'à la côte. Oui, et que le raisin aurait refusé de traduire. Ça fait que mes gaillards se mettent à arpenter le quai en se faisant des drôles de regards. Il doit y avoir une assemblée par là qui se pensait sûrement. Elle marchait, remarchait, avec des airs à deux airs. Puis sur le tas, il y en avait toujours une qui était en train de se lancer du gypse dans le pontin. À ce moment, l'autre train arrive avec notre carrefour dedans. Les 20 femmes d'un coup sortent un horaire de leur poche et se mettent à le regarder attentivement. C'était le signe qu'on venait? Pardieu, oui. Elles étaient toutes là, le nez dans leur horaire. Qu'on se serait cru à la répétition du cœur de dame, on attendait qu'elles entendent quelque chose. Un moment se passe. Et puis en voilà une, deux, trois qui relèvent le nez. À mesure qu'elle regardait, elle voyait le carrefour qui plastronnait, torse bombé devant le quai. Et qu'elle s'était forcée de le reconnaître, vu que mon gaillard s'était laissé mettre un énorme dahlia double, que par comparaison, son nez paraissait pâle. Et alors, elle? Elle, c'était joli à voir. Dès qu'elle levait le nez, elle regardait. Levait la tête d'un petit air pincé, fermait leur horaire, et demi-tour à droite en avant-marche, après avoir lâché à ce pauvre carrefour un de ses regards, mes amis! Et puis les unes après les autres que ça les prenait, quand elles en avaient assez de baisser le nez sur leur horaire, fallait voir ce peloton se disloquer, et ce carrefour qui s'était engouffré au buffet, rouge comme une pivoine, sans avoir eu le temps de dire un tritombo. Le pire, ça a été l'après-midi dans le village. Ces femmes, vous comprenez, elles devaient bien attendre le prochain train. Alors elles se promenaient le long de la rue, que tout le village était aux fenêtres. Naturellement qu'au bout d'un moment, il y en avait des qui commençaient à s'énerver. Alors elle se lançait en passant de ses regards au point de picot, là, comme sentait l'orage venir. Vous mettez un peu de calme. Voilà les deux gendarmes qui se mettent à patrouiller par le village. Mais rien de fait. À la vue de ces gaillards à épaulettes, voilà les yeux de ces femmes qui se mettent à lancer des éclairs. Comme des épouers au moineau au soleil. Juste. Que les femmes aux gendarmes ont dû venir les rapercher pour qu'il leur en reste un bout. Même que pendant des jours et des jours, le brigadier n'a plus fait une ronde sans que sa femme lui rôde derrière en se cachant derrière les haies. Il est pas fou là-dedans. Ah oui, alors lui, il avait filé par les champs, puis il était rentré à pied par les monts de Lavaux. Que deux ou trois jours après, quand il eut dessoulé, il disait « Oh, ma foi, non! Les femmes de la ville, elles sont pas assez jolies! » J'en veux marier une au village. Et ça n'empêche pas que de semblables mariages donnent parfois d'excellents résultats. Oh, après tout, journaux ou pas journaux, j'ai idée qu'après 10 ans, ça doit se ressembler rudement de ménage à ménage. Même que c'est ceux qui ont le plus fait leur fardin qui rendent le moins pour finir. Ça, tu peux le dire. Te souviens-tu le Nice de la Forge? Ces histoires qu'il a faites pour avoir son Isaline, mentait. Qu'on aurait dit que c'était une des 7 merveilles, l'Isaline, avait son nez en gouttière. Il aurait oublié de porter à la laiterie s'il avait vu une homme en train de rôder un quart de lieu autour de chez elle. Eh bien maintenant, hein, il ne se passe pas de semaine qu'on entend de chez eux de ces cyclées qu'on jurerait qu'ils font boucherie. Qu'on se demande s'il n'aurait pas avantage à la battre une fois pour de tout à la mécanique et qu'on n'en parle plus. Ah, bien sûr, hein. Les jeunes, c'est comme ça. Ça croit toujours faire autrement que les vieux. L'amour, tu te souviens? On aurait juré que nos parents n'avaient pas ça connu. Et puis, expérience faite, on s'y était pris exactement comme eux. Et même, tout compte fait, presque exactement comme ceux qui cherchent femme par les journaux. Ta, tout de même, hein? La mienne. Je l'ai choisie sans timbre pour la réponse. Ah, eh ben heureusement, s'il te fallait payer un timbre chaque fois qu'elle répond, te faudrait de rudes vendanges. D'accord. Mais, au fond, votre femme, elle avait un peu de bien. Oh là oui! Quoique son père au fait et au pain en ait eu bien moins qu'on aurait cru. Ouais, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Bien sûr que non. Seulement, combien y en avait-il de ces jeunesses qui soient de votre volée, de votre position, de votre métier, enfin, qui auraient pu vous convenir? Oh, pardieu, pas tant. 3, 4. Oh, c'est sûr que c'est une chance qu'on se soit plus. Sans ça, il aurait fallu aller chercher dans un village voisin. Et puis ça a bien des inconvénients. Ah, charrette de raisin, je le vois venir. Il veut nous prouver que tu étais mûr pour épouser la tienne, même avant que vous soyez en âge de vous en apercevoir. Pas tout à fait, mais je dis qu'il y avait au village 3 ou 4 filles qui devaient fatalement choisir dans un lot de 3 ou 4 garçons. Ce qui fait que finalement, la part du choix n'est pas plus considérable que si on se marie par les journaux. D'accord. Seulement la différence, c'est qu'avec les journaux, on se marie sans se connaître, tandis que nous, tout de même, on y connaissait nos futurs. Oui. Tant que ça s'indique. Eh bien, mon ami, si tu voyais en ces temps-là la Mélanie comme elle est, c'est que tu avais le nez fin. Ben c'est que vous l'avez pas connue, Réjean. Non. Un sourire qu'elle avait. Comme aujourd'hui, elle n'en fait plus qu'au ministre le jour de la vente. Elle te tenait ça des heures et des heures, sans broncher. On aurait juré que c'était du naturel. Et puis toujours d'accord. Tu as raison, Louis, qu'elle disait quand on se causait. Je m'en rapporte. Ça, c'est des affaires d'hommes. J'arrête. Quand on est marié, des affaires d'hommes, il n'en reste presque plus que point. C'est vrai, ça. Je me demande si nous, on a tant changé que ça. Vous voyez bien, messieurs, au fond, le mariage, c'est une loi de la nature. Vous qui êtes tout le temps dans la campagne, vous voyez ça tous les printemps. La nature se sert de tous les moyens pour nous y pousser, et son moyen favori, c'est le hasard. Et regardez les abeilles. Elles font leur miel, c'est entendu. Mais en passant, elle féconde les fleurs, par hasard. Et puis quand c'est fait, les fleurs laissent tomber leurs pétales. Elles n'ont plus besoin d'être jolies. Le pissenlit tourne au torchon à poussière. Et les glantines au gratte-queue. Eh bien, chez les hommes, c'est du même. À un moment donné, les filles prennent leur période de printemps et vous tombez dans le panneau sans savoir comment. En somme que, à votre avis, ce serait le président de l'abbaye qui jouerait le rôle d'abeille. Le clair de lune remplacerait les coups de bise qui charrient le pollen. Parfaitement. Et tout ça, c'est merveilleusement organisé. Parce que vous avez beau dire, une fleur de pommier, c'est joli, mais une pomme. C'est bon. Diable. Juste comme nos bourgeois, c'est pas un caviste. Ce n'est peut-être plus tant charmant qu'autrefois, mais c'est que c'est du solide. Un homme de sol. C'est cette chaîne de prête qui nous fait brasser tous ces souvenirs. Encore un rien, puis on tournerait dans la mélancolie. Ben, le remède est près du mal. Et patronne, à demi. Ben n'empêche, puisqu'on est là, moi je veux vous dire une poésie. Oui. Eh ben décidément, mon pauvre caviste, le printemps se tient. Parfaitement. Toi tu veux toujours qu'on chante parce que tu as une belle voix. Eh bien ce soir, moi, je veux réciter. Parce que j'en sais une de poésie. D'un vaudois, hein? Et un vaudois. Et puis qui parle justement de la même chose que nous. Bon, écoute, alors vas-y. C'est la demande en mariage de Monsieur Vautier, un homme de par chez nous. Écoutez voir un peu, Suzette. J'ai dans le cœur bien du tourment, vu que j'éprouve un sentiment. Enfin, je vous aime. Chouette. Bon, je jure, il ne faudrait pas. On entend assez dire aux prêches. Mais si la langue est un peu rêche, les sentiments sont délicats. De tourner des douceurs aux belles, ça s'apprend mal dans nos forêts, où l'on ne chante de couplets qu'au tronc à la hache rebelle. Et vous comprenez bien des fois, un bon juron qu'on articule, ça vous aide et ça vous stimule comme se cracher dans les doigts. Je ne sais pas dans un discours raffiné combien je vous aime, mais on s'est aimé tout de même, et pour longtemps, quoi, pour toujours. Alors, si vous vouliez, Suzette, on verrait à se marier. Mon cœur ne veut pas varier, ça n'est pas une amusette. On est d'âge, on a la raison, on sait vivre, on sait se conduire. Vous pourriez en trouver un pire et de moins honnête maison. C'est vrai, ma fille, qu'on n'est pas riche, mais j'ai la jument. Des bons bras, ça ne sera pas l'embarras pour avoir la soupe et la miche. Et puis quoi? Le bon Dieu fournit. Je le pensais encore dimanche en regardant sur une branche deux pinsons qui faisaient leur nid. À présent, j'y fais ma notice. Dites voir, êtes-vous d'accord? Si vous disiez oui, non de sort. Suzette. Dieu nous bénisse. Oh, alors ça... Très bien. Croyez-vous que c'est écrit, ça, hein? Et pensez, nom de sort. C'est rudement joli. Si vous leur en appreniez deux ou trois comme ça à l'école, dis donc, à la place de leur éclaffer les cervelles avec des grandes babillardes sur Waterloo, ou Dieu sait quels endroits exotiques qu'on n'ira jamais savoir de près. C'est vrai, ça. Moi, quand je suis sorti de l'école et qu'on a brûlé nos livres, nos cahiers, puis tout le bazar, comme ça se faisait chaque fois dans le temps, je m'étais juré que de ma vie, je n'ouvrirais plus un livre. Bien dit, on en est dégoûté. C'est tout juste si on trouve l'acquet de lire un journal. S'il n'y avait pas question de se tenir au courant des ordonnances, des morts, des votes, et ça, je crois bien qu'on resterait des années sans lire. Ça serait pourtant dommage. Oh, faut dire aussi qu'il y a lire et lire. Moi, les journaux, je sens lire, pour ne pas avoir l'air trop bête quand en cause de choses ou d'autres. Mais pour ce qui est de lire avec plaisir, il faut des livres, n'est-ce pas? Et puis des bons. Et si ça vous arrive souvent, je vous fourrai dans un livre. En hiver, bien sûr qu'on a le temps. Oh, Je ne m'y suis pas mis du premier coup, même que les premiers temps. Voyons, ça m'énerve de voir ma femme les dimanches après-midi qui s'est coincée sur le canapé le nez dans un livre qu'on ne pouvait pas la revoir. Ça vaut mieux que d'aller au café, qu'elle me disait. Oh, alors, elles n'ont jamais d'autre raisonnement. Et puis, elle les laissait traîner par la chambre, ce qui fait que je me suis mis à y jeter un coup d'œil de temps en temps. Et ça vous a pris? Oh, ben, je vous garantis que ça m'a pris. C'est quand même drôle. On trouve dans un livre des choses qu'on voit depuis 30 ans, tous les jours, et puis qu'on ne s'en est même pas aperçu. Bon, quand même. Parfaitement. Seulement, bien sûr, il faut lire quelque chose de fini, n'est-ce pas, de travailler. Forcément que dans les journaux, c'est une autre paire de manches. Ah, il faut les comprendre, un journal, ça se fait tous les jours. Et c'est celui qui écrit n'a pas le temps de fignoler ses phrases. Du reste, tenez, à mon avis, entre un journal et un livre, il y a un peu la même différence qu'entre la campagne et la vigne. Alors, donc, comment ça? Ben, je veux dire, le journal, c'est du quotidien, du spontané. Mais le livre, c'est du fignolé. Il y a du vrai dans votre comparaison. Parce qu'au fond, caviste, vous les vignerons, vous êtes des fignoleurs. Toute l'année que vous passez autour de vos cèpes, à les astiquer, à leur gratter la terre autour pour qu'ils se sentent bien, à leur enlever les feuilles qui leur font mal, à leur friser les vrilles. Ils sont là qui te saparfument avec du tabac. Il te s'appeigne en bleu. Avec ça qu'on s'en fait pour notre plaisir, tant Dieu. Ah, je ne dis pas. Mais je prétends que si nous, on pouvait s'amouracher de nos pommes de terre, par exemple, comme vous de votre vigne, on arriverait à des résultats estomacants. En 5 ans, on te sortirait de ces pommes de terre qu'il n'en faudrait plus que 2-3 à la sache. Et puis un de ces bouquets, mes amis, on se réunirait le soir pour s'en déguster. On dirait, celle-là, elle doit venir d'en haut du Cret, pas loin de la courtine à Loyon. C'est du fruité, mais peut-être un peu flatteur avec un rien de coquetterie. Ah, essayez toujours, personne ne vous en empêche. Mais comme oui qu'on nous empêche, parce que nous, il nous faut chaque jour changer de métier. Quand ça n'est pas l'herbe, c'est le foin, puis le jardin, le froment, et la betterave, et le colza, et labouré, hercé, fauché, et Dieu sait quoi. Alors c'est comme dans les journaux. Il s'agit d'abord de tenir l'horaire, et puis le fignonnage, et bien ça sera pour une autre fois. Peut-être bien, seulement voilà, le résultat est là, les pommes de terre. Ça se vend aux 100 kilos, et ça se mange. Tandis que le vin, ça se choisit, et ça se déguste. Ouais. Nous pour l'ordinaire et vous pour la bonne bouche. Il en faut des deux, pardi. Bien sûr qu'il en faut des deux. Et puisqu'on finit par partager les résultats, alors pas de jaloux. Santé, homme de luxe. Santé, santé. Pas bien ce nouveau, hein. Ah, oui, ma foi. J'en étais sûr que tous les enfants tournent comme celui-là. On ne s'arrêterait pas avant la douzaine. Faut dire aussi que le nouveau peintier le soigne bien. Ah, ça oui, cueil du nez, syndic. Ça n'est pas comme cette crise de mère Brunat qu'on avait avant. Non, te mentais. De l'avoir toute la journée tourniquée en habit du dimanche, comme si elle était en visite, moi, ça me faisait grincer des dents. Ah, en habit du dimanche, oui, les derniers temps. Elle usait ses belles robes parce qu'elle n'avait plus le moyen d'en acheter des autres. C'était la misère qui l'a poussée à l'orgueil, comme on dit. Ouais, mais aussi les côtes en long. Te souviens-tu, vers les années 22-23, là, quand le vin était bon marché, cette rosse-là qui ne voulait plus descendre à la cave pour moins d'un demi. Tout de même. Comme je vous dis, pour 2 décis, qu'elle disait, ça ne paye pas la fatigue. Ah oui, et quand on y commandait un cigare, elle en apportait 4 à la fois. Comme ça qu'elle faisait, je serais quitte de me redérager. Ouais. Par contre, la nouvelle, elle est un peu paralysée de la main qui donne. Si un jour elle offre un demi, je crois bien que je téléphonerai au docteur. Ça ne peut pas tout avoir. Et je l'ai remarqué dans la salle du conseil communal de Lausanne. Oh, ils y ont une peinte ou quoi? Non, ils y ont des tableaux représentant les membres des vieilles familles de la ville. Et selon la coutume du temps où ces tableaux ont été faits, chaque nom est accompagné de 2 ou 3 qualificatifs. Ah, et alors? Alors ça m'a amusé de noter que ces gens étaient tous ou bien nobles et vertueux, ou bien nobles et généreux. Il n'y en a pas un, mais alors pas un, qui soit à la fois vertueux et généreux. Ce serait-il contradictoire? Pourquoi? En tout cas, notre peintière en serait la preuve. Elle a toutes les vertus, sauf la générosité. Ils ont un propos, Syndic. Oui. C'est ivresse qu'ils ont mis sur ce papier. Quel papier? Mais ce papier qu'ils ont collé à la laiterie, comme quoi que le général compterait à l'armée les villages pour afin de voir si les gardes locales sont d'attaque. Oh, que voulez-vous? Si c'est écrit, c'est dit. Faut bien leur secouer les mythes à ces gardes locales, à présent qu'on leur a distribué ces fourniments tout neufs. Et des fois qu'on les verrait une fois au travail, au lieu de palabrer dans les cafés que l'ennemi n'a qu'à venir, qu'on va vous le tailler en pièces, il y en a, je vous dis, qui seraient bien embêtés le jour qu'il faudrait y aller pour de vrai. Pour commencer déjà par Maranda, vu qu'il ne peut pas seulement voir venir un frelonce à s'évanouir. Le voyez-vous, ce Maranda, tête à tête avec un lance-flamme? Ah, ces gaillards, ça moisit dans l'oisiveté. Je te dis, on devrait vous ça à guérir. Ma foi, oui. Quand on voit Piguet du Bernu, par exemple, j'en causais un jour avec lui. Et toi, Piguet, que t'ont-ils donné à faire dans la garde locale? Eh bien, moi qui disais, je suis chargé des tanks. Ah, et comment t'y prends-tu? Eh bien, je te les guette derrière le muret du bout du chemin d'en bas. Et au moment qui passe, crrr, je t'y lâche un rondin dans les rayons et je crie « Rendez-vous, tas de chenouilles où je fais de la casse !» Ah ah, voilà. Et tu crois comme ça, Piguet, qui va se rendre à un homme tout seul sans coup faire rire? Niolu, hein, qui m'a dit. Tu te doutes bien pourtant que je tenais un litre de cachet derrière le muret. À ça, il veut déjà bien se rendre. Oh, pour ça, on peut dire qu'on est bien défendu. C'est comme ce gaillard de chèvre. Je me rappelle plus si c'est le laitier bourguignon ou le frère Amélie de la Forge. La garde locale faisait un bout d'exercice au glaret pour se faire bien voir du capitaine Fonjal. Car le capitaine, il lâche tout à coup. Soldat chose, un parachutiste va tomber à 10 pas de vous. Que faites-vous? L'autre n'a fait ni une ni deux. Il t'a levé sa gicle et l'a mis en joue en l'air en criant. Arrête de gaillard, veux-tu bien te dépêcher de remonter d'où tu viens ou je tire? À Chardon, ils en racontent d'une qui doit être joliment vraie, comme on les connaît par là-haut. Un soir qu'il faisait l'exercice, puis que sa bise est un peu vilain pour se tenir dehors, il avait réussi à se fourrer tous à l'abri, comme un plantant de téléphone. Ils étaient là, au raisin, à faire tranquillement un yass à 5, avec un second rang de 5 pour apprécier les coups. La soirée se passe gentiment. Eh bien, comme ça, que lâche, on n'a pas été trop dérangé par le téléphone. De quel téléphone voulez-vous parler? Demande le patron. Il n'y avait même pas de téléphone chez lui. Il s'était trompé de café. Comment trouves-tu ça? Ah, eh bien, Pitou, ils ont été encore plus loin. N'ont-ils pas parlé d'envoyer les femmes à la garde locale et de laisser les hommes à la maison? Ces pauvres hommes qu'expliquaient en conseil communal. C'est toujours sur eux qu'on tombe, comme si on était moins dommage que les femmes. Avec ça que c'est pas nous qu'on fait marcher le train, le commerce et puis tout. Ce serait plutôt à nous d'être défendus. Voyez-vous qu'on attrape un mauvais coup dans une affaire? Qui est-ce qui restera pour traire et pour charrier le fumier? Avec ça qu'on voit dans l'histoire suisse que les femmes de chez nous, quand elles s'y mettent, sont de rue de Luronne. Ces femmes d'Appenzell qui vous fichèrent des routes des millions d'ennemis. Respect pour elle, ma foi. Mais ce serait bien le moment qu'elle continue. Oh, bien là, je ne suis pas tant d'accord. Mais t'as vu déjà qu'avec ces mobilisations, les femmes ne prennent que trop d'importance. Elles ont trop pris l'habitude d'être seules, vois-tu, et de se croire tout dans la maison. Quand on se ramène du service, on ne retrouve déjà plus ses affaires. L'armoire n'est plus qu'à elle, les tiroirs, elles les ont tout pris. Et si vous osez réclamer, malheureux, elles vous prennent un ton, comme quoi les défenseurs de la patrie feraient bien de ne pas commencer par mettre toute la cupesse dans la chambre, que la cuisine n'est pas un champ de bataille, que si, que ça. Enfin bref, on ne peut plus lever seulement une RT sous les draps sans écoper d'un serment. Eh, si ce n'était que ça. Lénise me disait bien l'autre jour, pour un tout petit demi de trop que je m'étais glissé derrière le collet. Après ça, c'est fini, Oscar. Je m'en vais écrire au général une fois pour toutes qu'il vous garde, oui, jusqu'à la prochaine guerre si ça lui plaît. J'essayais de la raisonner. Voyons, Élise, avoue tout de même qu'on a un petit peu de bon. Rien du tout qu'elle m'a dit. Mais si ce n'était pas l'histoire des enfants, on se passerait bien de vous. Vois-tu pourtant où ça nous mène. Je te dis, moi, que si ça dure, ça veut finir par mal tourner. Après la maison, elles prendront la police, après la police, la municipalité, après la municipalité, le conseil communal, après le conseil communal, la préfecture, la gendarmerie, le conseil d'État et tout. Et nous, les braves hommes qu'on est trop bons pour se défendre, on est capable de leur ça tout abandonner. C'est au juste s'il veut nous rester un bout de cave pour aller pleurer notre misère. C'est comme tu dis, on va être obligé d'y être tout le temps. À moins encore que ces femmes ne se soient mises entre-temps en cave coopérative, ça serait le bouquet. En cave coopérative? Que veux-tu dire par là? Ah ben c'est pourtant bien simple à comprendre. Rien que le nom déjà. Voyons, ça sonne-t-il vaudois? Et la chose? Dis-moi, une fois que tous les vins de la commune se trouveront perdus dans ces grandes citernes, le mien, le tien, celui de Borloo, de Cossy, de Rogive, celui d'Ansaï, celui dans la pêle-mêle, comment t'y prendrais-tu pour faire l'honneur du tien? On sera toute la commune à tirer au même guillon, ce sera plus une cave, ce sera un bureau. Écoute bien ce que je te dis, Oscar. Ce jour-là, le pays de Vaud est fichu. Quoi-tu? Je te dis, moi, qui voudrais mieux mettre toutes les familles du village couchées ensemble dans la salle d'école que de mêler ces caves. Un Lausannois même, ça comprendrait. Parce que sans ta cave à toi, mon pauvre Oscar, tu n'es plus rien. Ton vin, c'est toi. Ta cave, c'est ton salon. Sorti de là, mon pauvre ami, tu ne comptes plus. Je te parie qu'il n'y a pas Lausanne de ces salons en puce pain doré où les pandours rentrent encore plus facilement que dans nos caves. Ici, tu es le maître. Tu ouvres à qui tu veux. Ils me font rire ces messieurs dans là qui se croient qu'on va à la cave pour boire. Est-ce qu'on y boit, Zadik? Non, n'est-ce pas? On y discute. Voilà tout. Bardine, c'est bien pour ça qu'on les a faites bouteilles. C'est pour s'entendre mieux. Oui, mais on n'y discute pas comme ailleurs. On est liant, poli. Le vin est là, qui vous tient en respect. C'est comme le préfet me disait l'autre jour. Les caves supprimées, c'est la moitié de l'entente vaudoise qui s'en va. Où voulez-vous qu'on se rencontre éventuellement entre radicaux et libéraux? Toujours pas au café ou sous la placette, je pense. La cave est là. Il n'y a que ça pour vous faire oublier un moment les partis. À la cave, on se sent noble, qui disait. Et diplomate, que je faisais. Et vertueux, qui disait. Et fraternel, que je disais. Et de bon vouloir, lui. Et d'attaque, moi. Et compréhensif, lui. Et à l'abri des femmes, moi. Et à chaque mot, un verre. Hein, c'était joli. Mais il faut toujours qu'on y revienne à ces femmes. Eh bien, caviste, avant qu'elle nous ait mis en cave coopérative, tire-nous voir un verre de ce compréhensif. À la vôtre, les autres. Ah, là-dessus, assez parlé, mes amis. Oui, parce que, toute vertueuse qu'elle soit, nos mamans ne sont pas non plus avares en parole. Quand on pense à l'horloge parlante qui cause 24 heures par jour sans débranler, on peut dire que nos femmes sont encore bien raisonnables. Alors bonsoir, hein? Hey, bon dimanche. Et dans 15 jours, à la Ménone. Thank you. Thank you.